Unity Foundation, unityfoundation.lu. C'est une association à but non lucratif qui a comme objectif de promouvoir l'autonomie des communautés grâce à l'éducation. Vous soutenez ces efforts avec 2 euros versés pour chaque livre que vous achetez.